Les boys côté, ça reprod. De cette spirale, faut que je m'en sorte à tout prix. La justice, oui, m'a tout pris. Elle voudrait que je me fasse tout petit. Du mal à réagir soudis. Pas con pour croire tes audis, tes seuls fils. Quand se resserrent les menottes de l'autrice, des audis, des auditions. Go fast tes loki, des ondis, tu bug, garçon. Problème d'élocution, les boycottés sur les cuissons. Dans ta gova, augmente le son. Je me nourris au patoton. J'ai la patate, ça t'étonne. T'es pathétique, pas technique. Mais pourquoi tu rates ma trogne? Cette ampoule à l'amalcom. Me sors pas tes amalgames. Pour venir bouffer à ma table, ils usent de ruse lamentable. Je suis rabat. Yeux plissés, bête à Jack à l'épicier. Les embrouillés, les guisdés font partie de mon passé. J'en place une pour mes dollars, pour chuter comme le dollar. Pour ceux qui font du mitard, mes roloto au dollar. Je sais que la tôle fatigue, et pour certains créent des dommages. C'est pour mes petits, mes anciens. Pour mes reptiles, tous sans chien. Ouais. Tous obligés de faire comme si tout allait bien, paraît que c'est comme ça. Je déconne si je suis qu'en famille, je m'endors pas. Sourire aux lèvres pour faire les valises, les poches les remplir. Arrêtez de manger de la braise. Toutes mes phrases parlent de naufrage et de château vert. J'ai pris de l'âge, maintenant je retouche chaque nouvelle. Check le mic, boycottage international. Nique le monde, j'ai des problèmes de relationnel. Parce qu'on est plein, demande aux miens du pays plat. Mon cousin, tu n'auras que ce que tu mériteras. Un doigt dans le cul des rivaux, dérivé tellement bas. Mec, je ris jaune, donc remballe. Tout ce qui me reste, c'est le mental cimenté. Je bois des immenses steaks pour dormir en paix. Ici, c'est le bordel, j'serai refait de m'en sortir entier. Je vois nos faces pourrir, arriver nos rides. Sors un verre dosé plus la Philippe Maurice. Je vois arriver nos rides. On a cru la vie belle, puis vint le gaz lacrymo. La prise de vitesse, mes chiens sont marginaux. Les boycottés dehors ou en méfère. Parce qu'on n'a jamais fait ce qu'on était censé faire. On a cru la vie belle, puis vint le gaz lacrymo. La prise de vitesse, mes chiens sont marginaux. Les boycottés dehors ou en méfère. Parce qu'on n'a jamais fait ce qu'on était censé faire. J'en ai marre de toutes ces cavalcades où j'cavale grave. Dans une cave, elle avale grave. Tête à tête sur le gravier. N'en joue pas le kamikaze. Y'a toujours plus fou à lier. À traîner au fond d'une allée, rien n'a changé depuis des années. Des schlags, des coquines, qu'aiment la cocaïne allée. Moi je préfère les ignorer que voir tous ces fous rigoler. Pas de pistonner dans mon équipe, cracheur de feu comme pistolet. Ah ouais, j'ai trop donné pour me faire baiser, juste sous mon nez. Y'a que de la haine dans nos yeux rouges. Faut que je me démerde pour faire un max d'euros. Et me barrer avant que je rouille, on sait du père en cours de route. Déjà qu'on fait la marche d'erreur, je marche derrière et je l'ouvre et sa mère si je me loupe. Y'a que de la haine dans nos yeux rouges. Faut que je me démerde pour faire un max d'euros. Et me barrer avant que je rouille, on sait du père en cours de route. Déjà qu'on fait la marche d'erreur, je marche derrière et je l'ouvre et sa mère si je me loupe. On a cru la vie belle, puis vint le gaz lacrymo. La prise de vitesse, mes chiens sont marginaux. Les boycottés dehors ou en méfère. Parce qu'on n'a jamais fait ce qu'on était censé faire. On a cru la vie belle, puis vint le gaz lacrymo. La prise de vitesse, mes chiens sont marginaux. Les boycottés dehors ou en méfère. Parce qu'on n'a jamais fait ce qu'on était censé faire.